Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du repentir et de la pénitence. En acceptant de manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, Jésus se suicidait socialement. À cause de cela même, il a été condamné comme pécheur par toutes les sectes religieuses de son époque. Mais le Seigneur savait ce qu'il faisait. Jésus n'a jamais travaillé à s'établir une bonne réputation. Jésus-Christ n'avait dédain de personne. Il a dit lui-même, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ou ce qui était pourri. » La Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quand la femme pécheresse est venue pleurer aux pieds de Jésus, elle s'attendait à être repoussée, mais elle était vraiment repentante. Pour toucher le cœur de Dieu et obtenir son pardon, elle a fait un geste désespéré. Elle a pris un flacon de parfum de nard de grand prix, qui correspondait à une année de salaire, dit-on. Elle l'a prise et l'a brisée et a tout versé sur la tête et les pieds de Jésus. Au IIe siècle, Tertullien a commenté ce passage de l'Évangile en disant « Quand Madeleine vient pour oindre les pieds de son maître, elle ne débouche pas le flacon, elle le brise. Pour elle, il n'y en aura plus jamais. Avouer les fautes commises allège autant que les dissimuler appesantit le cœur. Nous confessons au Seigneur notre péché, non parce qu'il les ignore, mais par l'aveu, il reçoit une satisfaction. Dans l'aveu apparaît le sentiment de pénitence par laquelle Dieu est apaisé. » Fin de citation. Se repentir, c'est recommencer sa vie. Le Christ est la main tendue de Dieu. Détournons-nous du mal, laissons-nous laver gratuitement par le sang du Christ et recevons son pardon. Dieu fera grâce à tous ceux qui la demanderont. Par la bouche du prophète Isaïe, Dieu a dit « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Ensuite, le Seigneur ajoute, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Au jour de votre mort, mes amis, lorsque vous serez devant le Seigneur, vous entendrez les plus belles paroles qu'une âme puisse entendre et qui sont celles-ci. « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Si ce message vous a touché et que vous désirez obtenir le pardon éternel de toutes vos offenses, fermez les yeux et priez avec moi. « Mon Dieu, je suis cette pécheresse et ce pécheur. Je veux que ma vie soit lavée et purifiée de toute iniquité. Je veux entrer dans ton amour et dans ton royaume. J'accepte aujourd'hui le Christ comme sauveur et rédempteur. Je reçois par la foi la grâce de rompre avec mes anciens péchés et de recommencer une nouvelle vie en pratiquant toutes sortes de bonnes œuvres. Amen. » Je vous encourage à vous procurer un Nouveau Testament et à retourner à l'Église. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine, gardez la foi et la foi vous gardera.